Si la vie n'a de cesse de nous dicter ses lois, la morale ne nous laisse que l'embarras du choix. Comme la mode aujourd'hui n'est plus au naturel, pour un non, pour un oui, on t'expédie au ciel. Laissez-nous vivre encore un peu, partir à petit feu, sacrifier sur l'autel d'une secte de braque, découpé en rondelles par un joyeux maniaque, soufflé dans l'explosion d'un acte terroriste, jeté hors d'un wagon par des gros bœufs racistes. Laissez-nous vivre en de la famine comme d'une fatalité, qu'on pour la guillotine au nom de l'équité, surpris en pleine action par un mari jaloux, enterré pour trois ronds dans un coup de grisou. Pour un oui, on t'expédie au ciel.